numéro 43. La santé. 健康. La maladie. 病気. Je suis malade. 病気です. Le médecin. お医者さん. Le dentiste. 歯医者さん. L'hôpital. 病院. Le médicament. 薬. La pharmacie. 薬屋さん. Comment vous sentez-vous? 具合はどうですか? Je me sens mal. 気分が悪いです. Je me sens bien. 気分がいいです. Je me sens mieux. 気分が良くなりました.